lire un sacré bouquin, un vrai thriller américain qui se passe, je vous donne Emile, quelque part entre Bronx et Brooklyn. Parmi les papiers gras, les clodos, les buts, les rats, que les flics passent à tabac, une histoire qui fait la sœur et le mauvais tabac. Pas de l'immeuble, un drôle de nière, à la mine patibulaire, se faufile dans l'escalier, dans la main, un mystérieux paquet. Arrivé devant la porte, qu'il ouvre sans un bruit, il se glisse dans l'appart qui sent le rance et la suie. Une vieille pute qui a du poil aux pattes est en train de faire la vaisselle quand l'horrible psychopathe, sans un bruit, s'approche d'elle. Je suis en sueur, je suis en nage, on s'approche à chaque page de l'issue mortelle, c'est fatal, le suspense est infernal. L'atmosphère à couper au couteau, en moins de deux, il est dans son dos. Ciel, mais que va-t-il se passer? Brrr, j'en ai froid dans le dos. Elle sent tout près dans son cou, son haleine chaude, son souffle court. Le suspense est au maximum. Ah, voilà un petit bonhomme. Au moment, moment suprême, elle regarde par la fenêtre. Un étrange sourire sur les lèvres, l'attention est extrême. Soudain, elle se retourne et dit « Salut chérie, tu me fais un mimi ?» Et lui met la main au paquet et on sort du beurre et du lait. Car demain, c'est samedi, petit déjeuner au lit, belle Aphrodite Galipi. Dit-il en écrasant sa tige. Super thriller américain qui en plus se termine bien, qui sort tout droit de chez Harlequin. Bref, un super bouquin.